on résolut de partir sans délai, et Mulrady fut installé sur une civière. Le soir, on campa sous un bouquet de gommiers. La nuit fut mauvaise. La route, le lendemain, devait être extrêmement difficile. Le 24, les voyageurs, fatigués mais toujours énergiques, se remirent en route. Le 25, on campa sur la frontière même de la Nouvelle-Galles du Sud. Le 26, on partit de l'aube. À 11h apparut Delegate, à 50 milles de la baie Twofold. À midi, tous les voyageurs, installés dans un mail coach, quittèrent Delegate au galop de 5 chevaux vigoureux. Le 27, soleil levant, la mer apparut. Le ciel et l'eau se confondaient dans un même horizon. Aiden, dit Glenarvan, petite ville distante de 5 milles. Les postillons s'arrêtèrent non loin du feu fixe qui signale l'entrée du port. Mais aucun navire ne déployait à sa corne le pavillon de Malcolm. À 2h, une dépêche télégraphique fut remise à Lord Glenarvan. Elle était libellée en ces termes. Lord Glenarvan, Eden, Twofold Bay. Duncan parti depuis 18 courants pour destination inconnue. Signé J. Andrew S. B. L'honnête yacht écossais aux mains de Ben Joyce était devenu un navire de pirates. Ainsi finissait cette traversée de l'Australie commencée sous de si favorables auspices.